sorcier Bantou, Benji Mateke, toujours en forme. Ah Benji, oh, wambo bangi temba e. Mopende joka ne baloko e so na muna mumie mba muna boli na longe la miponi e Mopende dima dima ne mba wenge e abona ba miwo e j'ai besoin de ta chaleur Jackie Toto, mon ami à Paris Muna mumie na e mba muna boli na longe la milese e Mopende joka ne baloko e Sona jeune homme, à mon aboli non mon cœur, mon yé. Mon pende, dima dima nemba wenge, digno langue ya to mon aïe. J'ai besoin de ta chaleur, maman. Oh. J'ai besoin de ton amour. Et pour faire moi ton bingine à coco. Give me money, don't give me anything. Just give me your heart, I need now your way. You won't go by me now, I will go with you. You won't go limbe, I will go with you. If it's a for Kumba, I will go with you, my love. You won't go anywhere, I will go with you, Benji. Oh, if you leave me, I go die. You. J'ai besoin de ta présence. You hold it ta présence. J'ai besoin de ta à Paris, eh. Amène-moi avec toi à Abidjan, amène-moi avec toi en Guinée-Équatoriale, amène-moi avec toi partout tu iras chérie, si tu me laisses je suis foutu, j'ai besoin de ta chaleur, oh, de ta chaleur, eh. J'ai besoin de ton amour, mané pour pas moi y'a un guéant de Walanté. Serait la style, la mode à la classe mondiale, à Douala. Ah Benji, oh, wa mo banki temba e. Bye. se pompa joe, dolo nya bamba e, onya bamba e, dolo nya bamba e, dolo ngomu. Tous les amis de la radio dansent le Makossa cellulaire.